Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. La science CQFD, Natacha Triou. Ce lundi, le festival Pint of Science démarre et fête ses 10 ans. C'est l'un des plus grands festivals de science au monde. Comment susciter la curiosité scientifique du plus grand nombre ? Festival de vulgarisation scientifique. Jusqu'au 24 mai, les chercheurs et le grand public se rencontrent autour d'un verre, dans des bars, dans 26 pays et 400 villes, dont 50 en France. L'événement réunit plus de 600 scientifiques avec plus de 2100 événements à travers le globe. Quelle est cette nouvelle façon de vulgariser et de démocratiser les sciences et qu'est-ce que l'on y apprend ? On vous en propose un avant-goût, mais à 16h, à l'heure du thé. Pint of Science, à consommer sans modération. Élodie Chabrol, bonjour. Bonjour. Quelle joie de vous retrouver dans ce studio. Merci. Vous êtes fondatrice et directrice de France, de Pint of Science France et directrice internationale du festival. Claire Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité et CNRS et directrice du master de sciences cognitives de Paris. Et avec nous également Alain Sacuto, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Cité et vous dirigez l'équipe de recherche sur les matériaux à forte corrélation au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Pour compléter l'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles, d'études. C'est tout de suite @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment partir à la recherche de nouveaux publics quand on fait de la vulgarisation scientifique et de comment il est possible de parler supraconductivité, conscience et inconscience tout en sirotant une infusion. Pour commencer, on vous fête et on vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est notre archive du jour. Pint of Science arrive en France. Vous prendrez bien une pinte de science, Nicolas ? Avec grand plaisir. Alors, en tout cas, c'est le projet d'Élodie Chabrol, qui est une jeune chercheuse française en neurogénétique. Et elle a beaucoup d'humour. Élodie rêve de faire partager les découvertes scientifiques avec le grand public. Bref, avec des gens comme moi, peut-être comme vous, car on ne comprend pas toujours grand-chose en science. Alors, elle est expatriée dans une université, College London. Elle a découvert un festival très original, comme savent le faire les Anglais, pendant quelques jours. Les chercheurs britanniques sont priés de sortir de leur labo pour venir dans les pubs et c'est une pinte de bière à la main qu'ils expliquent leurs découvertes scientifiques. Le festival a été lancé en 2013, il a eu un succès phénoménal et cette année pour la deuxième édition en Grande-Bretagne, il a été organisé dans plusieurs pays, 6 pays, 21 villes, 10 000 personnes sont venues. Alors attention, le festival arrive en France, Élodie organise la première édition en mai 2015. L'idée c'est de sortir les scientifiques de leur laboratoire, de leur interdire de parler le jargon scientifique, de les mettre dans des bars pour que tout le monde puisse profiter des découvertes scientifiques de tous les jours avec une pinte à la main. C'est important pour vous d'aller à Londres ? C'est important pour le travail, car en tant que scientifique, généralement, on fait une thèse dans le pays où on habite. Donc j'habite en France, j'ai fait ma thèse à Paris. Dans mon laboratoire à Londres, on est énormément de Français, il y a des Espagnols, des Grecs, des Américains, il y a un peu vraiment de tous les pays, parce que c'est vraiment la tradition. Partager le savoir, partager les informations, c'est une manière de travailler pour vous, les scientifiques. Pour nous, le partage de l'information est vraiment primordial parce qu'on va s'appuyer sur les infos que quelqu'un ou la découverte de quelqu'un pour construire un projet et pour avancer plus. Donc c'est vrai que pour nous, s'il n'y a pas de partage de l'information, on meurt parce qu'on ne peut pas rester dans son petit laboratoire à faire des petites expériences sans savoir ce qui se passe autour de nous parce qu'on n'avance pas en fait. Bon, c'est toujours très désagréable d'entendre sa voix, mais une réaction à cette archive, Élodie Chabrol. Je m'y attendais pas. Oui, effectivement, c'était en 2015, donc on venait tout juste de faire la deuxième édition française de Pint of Science. Et je crois que c'était un reportage France Inter, pour la peine. Ça change pas, hein, on est toujours super heureux de faire Pint of Science. Et ça fait tout bizarre d'entendre les vieilles archives. Vous êtes un peu la maman hein, de Pint of ouais. Science, car vous êtes là depuis sa fondation en 2013 en Angleterre. Ouais. Au départ, quel est le concept et l'objectif du festival ? Alors le concept vraiment, alors on n'a rien inventé par rapport à la science dans les bars, parce que ça se passe depuis fort longtemps. Hein. Je crois qu'un des premiers cafés en France, c'était le Procope dans le centre de Paris, où on parlait déjà science, philosophie, etc. Par contre, là où on a vraiment changé un peu les choses, c'est de le faire sous forme de festival. Un peu comme un festival de musique où il va se passer plein de choses en même temps. Il faudra choisir malheureusement, mais très festif, avec plein de choses qui se passent, pendant 3 soirs, avec plusieurs scènes. Et effectivement, au départ, c'était plusieurs scènes en Angleterre, et puis bah, ça s'est développé de plus en plus, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans 400 villes, avec 2000 et quelques événements. Au départ, en effet, donc concept inventé en 2012 par deux chercheurs londoniens. Ouais. Pourquoi l'Angleterre et surtout pourquoi les bars ? Alors, deux choses. Déjà, en Angleterre, je pense qu'il y a un engouement pour les festivals l'été de musique qui est vraiment énorme comparé à la France. Alors déjà, nous, on aime bien ça. Mais eux, vraiment, il y a un festival, notamment de musique, qui se vend à guichet fermé. On ne sait pas qui sera là. C'est-à-dire que les gens prennent leur ticket en 2 heures. C'est complètement sold out en 2 heures, mais on ne sait pas qui sera là, parce que tout le monde sait que ce festival, de toute façon, est à ne pas rater. Donc, il y a un engouement qui est assez fort à propos de ça. Et puis, les pubs en Angleterre, c'est vraiment la deuxième maison. Donc, ce n'est pas juste l'endroit où on boit, c'est l'endroit où on se retrouve entre familles, parfois entre amis quand il ne fait pas beau. Donc, il y a vraiment une espèce de culture du pub où on s'est dit, bah voilà, on sait bien de se retrouver là. Maintenant, c'est des pubs, ça peut être des cafés associatifs, c'est vraiment plein de choses différentes. Et donc, voilà, et l'impulsion est partie d'Angleterre, mais c'est vrai que très vite, l'année d'après, 2014, on a commencé dans d'autres pays, en fait. La culture du pub et la culture scientifique, c'est quelque chose qui peut paraître contradictoire au premier abord ? Bah, pas tant que ça, parce que souvent les scientifiques se retrouvent au pub après une grosse journée. Je pense que l'idée, c'était vraiment de mettre les gens dans un cadre relax où ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre des scientifiques ou de rencontrer des scientifiques et de montrer que voilà, un scientifique ou une scientifique, c'est pas forcément quelqu'un d'inatteignable dans une salle de conférence avec 400 personnes. Ça peut être quelqu'un de très proche. Oui, qui ont bu un verre. C'est-à-dire que oui, il y a l'idée aussi quand même de changer et de un peu dépoussiérer peut-être l'image du chercheur ou des stéréotypes qu'on a de personnes, de chercheurs et de personnes qui sont au centre des sciences. Complètement. Bah, je pense que surtout à l'époque quand on a commencé, quand on disait un chercheur, souvent on pensait à un chercheur. et puis on a toujours cette idée du chercheur qui est un peu stéréotypée. Et l'idée c'était de montrer, bah voilà la diversité des profils qui font de la science, des chercheurs, des chercheuses, des doctorants aussi. À l'époque, il n'y avait pas tant de doctorants et de doctorantes qui participaient à des événements ou à de la culture scientifique. Et là, l'idée, c'était vraiment de dire, regardez tous ces gens qui travaillent sur la recherche de plein de sujets différents, mais il y a plein de gens différents aussi. Donc la diversité de sujets et de gens. Alors, en Angleterre, dès la première édition, ça a tout de suite marché. Ouais. Il y a plus de 3000 personnes à la première édition. Ça, c'est un succès. Ce succès-là, vous y attendez ? Pas du tout. Je pense qu'en plus, quand on a créé ça, on était tous des scientifiques en labo. Hein, et avec zéro expérience d'organisation de ce genre de choses. Et je pense que déjà, le fait que ça se passe, pour nous, c'était énorme. Donc, on était très, très, très, très, très concentrés sur le fait qu'on doit y arriver, on doit faire... Parfois, on découvrait des tâches au moment de les faire. C'est-à-dire qu'on commençait des trucs, on se disait « Ah oui, en fait, il faut faire ça aussi. » D'accord, bon, bah, ça va prendre deux, trois fois plus de temps que prévu. Et on n'avait pas du tout réfléchi à l'après. On voulait que ça se passe. Et en fait, on s'est pris une grande claque dans la figure, très positif, parce que ça a super bien marché. Sur les réseaux, ça a pris énormément et en fait, direct, on s'est dit, bah, on vient de faire un truc de fou en fait. Bah après le succès de la première édition anglaise, vous fondez la branche française du festival. Ouais. En France, ça a été un peu plus dur, ça a été plus compliqué, il n'y a pas eu le même succès tout de suite. Vous savez ça aussi pourquoi ? Alors, je pense que c'est un peu la culture. C'est-à-dire que c'est vrai que je me suis retrouvée face à beaucoup de monde qui me disait à l'époque, mais c'est en Angleterre, comment tu sais que ça va marcher en France ? C'est dans des pubs, on n'a pas de pubs. Enfin, à un peu réfléchir aux barrières plus qu'à vraiment se lancer. La première année, ça a plutôt pas mal marché. Et puis bah, depuis, on grossit. Et effectivement, maintenant, il n'y a plus de questions sur est-ce que le festival marche ou pas. Mais c'est vrai que la première année, je dormais avec mon téléphone sous mon oreiller pour me réveiller en pleine nuit et vérifier ce qui se passait sur les réseaux, combien de tickets on avait vendu, etc. Tellement ça me stressait de savoir si ça allait marcher ou pas, en fait. Oui, bah ça a marché. C'est devenu rapidement un événement international. Première année, un pays, l'Angleterre. Deuxième année, 6. Troisième année, 8. Mm-hmm. Comme ça, pour créer un réseau international de Pint of Science. Exactement. On joue aux jeux. C'est assez ce qu'on raconte chaque année. On joue aux 7 familles parce qu'on a des gens qui partent d'un pays ou d'une ville qui vont ailleurs. Et du coup, on se les échange. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, est-ce qu'il y a Pint of Science là ? Oui, il y a. Ok, bah, je vais aller dans telle équipe, dans telle ville. Donc, c'est assez rigolo. On dit, bah, là, j'ai une coordinatrice de telle ville. Elle aimerait bien aller faire dans telle autre ville. Alors, l'objectif, c'est donc de transmettre des connaissances scientifiques d'une autre manière. Vous avez dit plus décontracté, l'ambiance cosy d'un bar. Est-ce que cet objectif a évolué en 10 ans? Alors, je pense qu'il n'a pas tant évolué que ça, mais il est devenu plus clair dans le sens où, au départ, on voulait vraiment partager de la science. Et là, d'autant plus avec l'épisode de pandémie qu'on vient de passer, on s'est rendu compte que la méthode scientifique, c'est aussi important que parler de science. Et du coup, avoir des gens qui vont aussi raconter comment ils font, quel est leur quotidien, comment est-ce qu'ils arrivent à une découverte ou ils arrivent à un résultat scientifique, surtout dans ce genre de soirée où au final on est plutôt relax, c'est un format qui est complètement fait pour ça, c'est-à-dire qu'au lieu de juste dire comment on pourrait faire dans un article ou quoi, à juste donner le résultat parce qu'on est assez restreint en termes de temps, etc. Là, les gens peuvent vraiment raconter un peu leur vie, raconter ce que c'est que d'être scientifique, comment on avance, comment on écrit un article, etc. Et je pense que ça, on en a besoin. Et peut-être qu'on s'en est pas rendu compte au tout début, c'était partager de la science, et maintenant on s'est rendu compte que partager la méthode, c'est aussi important que partager les résultats. Partager la méthode scientifique, ça va aussi les tâtonnements. Les tâtonnements, comprendre pourquoi parfois on met du temps aussi sur certaines choses, pourquoi dans certains domaines la recherche prend des années. Ce genre de choses, en fait, essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, comment on avance, comment parfois on avance à reculons, ou on n'avance pas forcément toujours d'une façon très droite ou très, très rapide, on va dire. Alors 50 événements en France, c'est partout en France. L'objectif à long terme, ce serait de pouvoir être encore plus dans plus de villages partout. Oui, c'est ça. Ouais, on est dans 50 villes cette année. Donc c'est 270 événements en tout en France. Et l'idée, l'année dernière, on avait réussi à être dans un refuge en montagne. Il fallait marcher entre 20 et 30 minutes pour y arriver. J'avais un peu peur et en fait, il était plus que plein. On avait dû libérer des places en plus. Et l'idée, c'est vraiment de se dire... En fait, dans tous les pays, on se développe d'abord dans les villes les plus grandes, où c'est le plus simple. Et une fois que le festival est installé, que les gens connaissent un peu, on commence un petit peu, petit à petit, à essayer d'aller dans des endroits plus petits où les gens ont moins la possibilité de rencontrer des scientifiques. Et les dernières, c'était même dans un refuge de montagne qui était plein. Après 30 minutes de marche, même pas peur. Même pas peur. J'avais très, très peur pour cet événement. J'étais prête à faire beaucoup de com' dessus. Et en fait, il avait été réservé plein, très rapidement. Alors, nous sommes accompagnés de deux personnes, deux chercheurs qui participent également à ce festival. Claire Sergent, Alain Sacou. Alain Saint-Couteau, qu'est-ce qui vous a motivé à faire un Pint of Science cette année? La proximité avec le public, éveiller la curiosité scientifique des jeunes et des moins jeunes, transmettre ce que je crois avoir compris, et puis aussi montrer à quel point la nature peut être surprenante et merveilleuse. Voilà. Claire Sergent. Oui, dans la même ligne. Moi, j'ai très, très, très envie de participer. Demain, ça sera ma première participation à Pint of Science. Et c'est vrai que je trouve qu'on est dans un monde où la science est partout. La science, les technologies sont partout. Et pendant le Covid, on a eu des experts dans tous les sens et dans tous les médias, etc. Et que on a besoin de descendre la science de son piédestal, que ce soit d'un côté péjoratif ou trop attendre de la science, et puis redonner ce bien commun à la communauté, parce que Alain et moi on travaille pour le public. Donc pour l'augmentation de la connaissance en général, et ce serait très triste pour nous que tout cela reste dans notre laboratoire. Justement, tout ça ne reste pas dans votre laboratoire. On a fait venir le festival à la maison de la radio. Comment faire de la physique quantique dans un bar? Pourquoi a-t-on besoin de la physique quantique pour expliquer la supraconductivité? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h13 sur France Culture avec Élodie Chabrol, Claire Sergent et Alain Sacouteau. Nous parlons des 10 ans du festival Pint of Science avec 700 événements scientifiques. Le même jour, c'est un festival mondialement local. À présent, parlons d'une des conférences organisées avec vous, Alain Sacouteau, qui aura lieu demain au bar Le Corvisart dans le 13e à 19h30 à Paris. Ce que vous allez présenter, c'est l'effet quantique spectaculaire qui se voit à l'œil nu, alors que d'habitude, la physique quantique, c'est de l'ordre microscopique. Vous allez nous présenter la lévitation supraconductrice, qu'est-ce que c'est ? Alors peut-être pour commencer, il faut définir ce que c'est qu'un... Bon, alors déjà, la lévitation supraconductrice, c'est une lévitation qui permet de faire léviter un aimant de façon stable. C'est-à-dire que si vous approchez deux aimants, je peux... Ah, parce que voilà. Oui, voilà, on a oublié de dire quand même voilà. Cette chose importante. Vous êtes venu avec beaucoup d'objets. Voilà, donc si j'approche deux aimants... Que vous avez là dans les mains. Soit ils s'attirent. Oui, ils se collent l'un contre l'autre, soit ils se repoussent. Et dans aucun cas, vous pouvez avoir une lévitation stable. Et le miracle d'un supraconducteur, c'est qu'il permet d'avoir une lévitation stable. C'est-à-dire que vous pouvez placer un aimant au-dessus d'un supraconducteur et cet aimant sera dans une position stable. Et même si vous le déplacez de sa position, il va revenir dans sa position. Ça, c'est une expérience que je vais montrer en direct à Pint of Science demain soir. Voilà, vous avez quand même quelques objets. Pouvez nous les décrire. C'est pas du gros matériel, hein, ce qu'on a sous les yeux. Non, j'ai pris juste un supraconducteur, un aimant, et puis surtout ce qu'il faut, c'est de l'azote liquide. Parce que bonbonne... Donc en fait, un supraconducteur a deux propriétés remarquables, mais ces deux propriétés ne peuvent être réalisées qu'à basse température. Donc ce que j'ai apporté avec moi, c'est de l'azote liquide, c'est-à-dire l'azote, vous savez, l'air est composé à 80% d'azote, donc c'est tout simplement de l'air comprimé, rendu dans son état liquide, et quand il est rendu dans cet état liquide, il est à moins de 100 degrés Celsius. Donc autant dire que si vous plongez la main dans votre bonbonne d'azote liquide et vous la laissez quelques minutes, vous n'avez plus de doigts. C'est comme un alpiniste au sommet de l'Himalaya qui va avoir ses doigts d'un coup gelés. Donc il faut manipuler l'azote liquide avec précaution, mais cela permet justement de refroidir le supraconducteur. Voilà, c'est qu'à partir d'une certaine température, ouais. on atteint justement cet état supraconductrice. Voilà, alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un supraconducteur ? C'est un matériau qui transporte le courant sans perte d'énergie, c'est-à-dire et sans s'échauffer. La perte d'énergie se fait par chauffement. C'est-à-dire que si vous prenez un fil de cuivre classique et que vous faites passer du courant dedans, il va se chauffer. C'est ce que vous utilisez pour votre grille-pain, pour chauffer des tartines ou juste quand vous voulez repasser vos chemises ou vos pantalons, vous utilisez un fer à repasser. C'est pareil. C'est une résistance chauffante. Vous faites passer du courant dans un métal et qui chauffe. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et ce qu'on appelle l'effet Joule. Et le supraconducteur, lui, il a cette propriété de laisser passer le courant sans chauffer, sans résistance. Ça, c'est sa première propriété. Et sa deuxième propriété, c'est d'expulser le champ magnétique statique, partiellement ou complètement. Et c'est la combinaison de ces deux propriétés qui permettent de faire léviter un aimant de façon stable. Voilà, c'est les deux caractéristiques des matériaux supraconducteurs. C'est ce qu'on appelle la résistivité nulle et le diamétisme parfait. C'est ce qui caractérise. Le diamagnétisme parfait, c'est l'expulsion du champ magnétique total au sein du supraconducteur. Voilà, donc quand on a deux aimants, soit ils se collent, soit ils se repoussent, mais ça reste pas stable. Et là, avec un supraconducteur, un aimant va voler au-dessus d'un supraconducteur. Oui. Et donc c'est ce que permet de faire cette expérience avec justement cette façon de refroidir la matière. Oui. Mais alors ça, comment ça fonctionne ? Là, on peut venir sur comment fonctionne la lévitation supraconductrice. Oui, alors il faut revenir sur les deux propriétés d'un supraconducteur. La première, c'est de dire donc qu'un courant circule sans perte d'énergie. Alors comment c'est possible ? Parce que dans un métal, si vous faites circuler du courant, vous avez les électrons qui sont tous indépendants les uns des autres et qui vont subir des collisions dans le métal. Alors ces collisions, elles peuvent être dues aux défauts dans le matériau, elles peuvent être dues aux impuretés ou tout simplement aux vibrations du cristal qui va perturber le mouvement des électrons. Et la chose extraordinaire qui se passe, c'est qu'à basse température, tous ces électrons qui sont indépendants vont s'apparier, former des paires, et toutes ces paires vont être interconnectées et vont former un seul état stable qui est protégé. C'est-à-dire que cet état va être protégé et ne va plus sentir toutes les perturbations extérieures, comme par exemple les défauts, les impuretés dont j'ai parlé tout à l'heure pour un métal. Donc, qu'il y ait des défauts, des impuretés ou des vibrations dans le cristal, ce nouvel état de la matière, ce qu'on appelle un superfluide, va être complètement indifférent à toutes ces perturbations. Et c'est ce qui permet aux matériaux, au courant de circuler librement dans le supraconducteur. Donc ça, c'est la première propriété. Et c'est ça, c'est que la différence entre un métal qui est un bon conducteur et un supraconducteur, c'est la façon dont se comportent les électrons. Oui, voilà. Et alors, j'allais vous parler justement de paires. On parle donc là des paires de Cooper. Oui, c'est ça. Donc les électrons, en fait, vont s'apparier. Alors, justement, dans ces matériaux qui sont à base d'oxyde de cuivre, l'origine de l'appariement, on ne le connaît pas encore. Et ça fait partie des travaux de recherche que l'on mène dans mon équipe et dans plusieurs équipes dans le monde. C'est découvrir quelle est la colle qui permet d'apparier ces deux électrons. Dans les matériaux conventionnels, on a déjà trouvé quelle était cette colle. C'est les vibrations du réseau cristallin. Mais dans ces matériaux, c'est pas le cas. Et bon, on a plusieurs pistes pour essayer de déterminer quelle est l'origine de cette colle, et on travaille dessus. C'est une paire de Cooper, c'est une corrélation quantique entre les électrons. Hein. Toutes les ondes de tous les électrons se synchronisent, c'est ça qu'on appelle donc la phase supraconductrice, et c'est ça aussi ce mystère. Alors, en soi, cette formation de superfluide, elle n'est pas mystérieuse, c'est juste vraiment le chaînon manquant, c'est... Quelle est la colle qui permet d'attirer deux électrons et de former une paire? Ensuite, le mécanisme de superfluide, etc., c'est quelque chose que l'on connaît assez bien. Alain Sakuto, il existe aussi différents types de supraconducteurs. Oui, alors il existe des supraconducteurs de type 1 et des supraconducteurs dits de type 2. Alors justement, on en arrive à la seconde propriété, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'un supraconducteur expulse le champ magnétique. Mais en fait, quand un supraconducteur est soumis à un champ magnétique, si ce champ magnétique... Alors, il y a deux options. Soit il est soumis à ce champ magnétique, il va résister à ce champ magnétique. Alors, comment il fait à résister à ce champ magnétique? Il va générer des boucles de courant à sa surface, qu'on appelle des courants de Foucault. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez connu en magnétisme, c'est-à-dire que un courant électrique va générer un champ magnétique, et ce champ magnétique va s'opposer au champ magnétique qu'il subit. Donc, il y a ces premiers supraconducteurs, donc qui vont s'opposer à ce champ magnétique en clairant des boucles de courant, et puis à un moment donné, il résiste, mais si ce champ magnétique devient trop intense, eh bien il peut plus résister, il laisse passer entièrement le champ magnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle les supraconducteurs de type 1. C'est-à-dire c'est des supraconducteurs qui n'acceptent aucun compromis, c'est du tout ou rien. Et puis ensuite, vous avez les supraconducteurs que je dirais plus intelligents, se disent bon, à un moment donné, je peux plus résister, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser passer en une partie de mon volume le champ magnétique, et puis je vais préserver une autre partie où le champ magnétique va être expulsé. Et c'est justement avec ces matériaux de type 2 où vous avez à la fois transmission du champ magnétique au travers du supraconducteur et expulsion de champ magnétique dans d'autres parties, qu'on va pouvoir créer une lévitation stable. Oui, c'est ça, c'est donc un effet de ressort des zones qui attirent l'aimant et d'autres qui l'éloignent, donc ça lévite. Voilà, exactement, vous avez tout compris, c'est-à-dire que vous avez des zones qui vont expulser le champ magnétique quand il va s'approcher, donc ils vont le repousser. Et puis, quand il va être repoussé, les zones qui laissaient passer le champ magnétique vont trouver qu'il y a moins de champ magnétique dans ces zones normales où il y a moins de champ magnétique, et vont dire, attendez, moi j'ai moins de champ magnétique, ça va pas. Elles vont créer des contre-boucles de courant pour attirer l'aimant. Et donc, on a cet effet d'attraction et de répulsion qui crée la lévitation stable. Et évidemment, un aimant ne peut pas le faire, mais un supraconducteur intelligent peut le faire. Vous voulez nous montrer d'ailleurs quoi ça ressemble? On va essayer de servir de yeux pour nos auditeurs et nos auditrices. Là, vous sortez. C'est qu'il faut éviter de faire exploser la maison de la radio également. Non. Il faut verser de l'azote liquide dans un petit bac en polystyrène. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser... Alors, j'en ai mis un peu trop. Et ensuite, je vais utiliser ce bac. faut pas que je détruise la moquette de la maison de la radio quand même. Donc je vais utiliser cet azote pour refroidir le supraconducteur. Alors ça met un certain temps. Donc là on a un studio qui est enfumé, voilà. Avec de l'azote liquide qui est en train de pétiller. Voilà, alors ça va frémir, parce qu'en fait ce qui se passe, je mets de moins 200 degrés sur un objet qui est à 25 degrés. Donc vous avez de l'ébullition, c'est comme si vous mettez de l'eau dans une casserole chaude, ça va bouillir, ça va s'évaporer très rapidement. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme le supraconducteur est très chaud, il va faire de la vapeur d'azote, il va s'évaporer très rapidement, et donc entre l'azote liquide et le supraconducteur, il y a de la vapeur. Donc il faut attendre que le supraconducteur soit suffisamment froid pour plus générer de vapeur. Et une fois, c'est-à-dire là, il continue à être protégé par cette vapeur. Mais à un moment donné, l'épaisseur de cette couche d'azote et d'air va diminuer. Et à ce moment-là, le supraconducteur va pouvoir être refroidi. Et le refroidissement du supraconducteur va générer un bruissement beaucoup plus fort. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un vrai refroidissement du supraconducteur. Et ça s'entend. On va avoir l'impression que le bocal va exploser. Mais enfin, c'est juste le fait qu'à un certain moment, le supraconducteur va pouvoir se refroidir. Pour l'instant, il est protégé par cette pellicule d'air. Très bien, c'est une expérience qui met à peu près combien de temps, là, comme ça, pour refroidir la matière, non ? Parce que c'est très impressionnant visuellement. Donc peut-être qu'à la fin de cette émission, nous verrons un... Il y en a pour quelques minutes, mais vous pouvez continuer en attendant que ça se refroidisse, si vous voulez. Parce que là, en effet, merci de nous présenter. Hein, voilà comment... Okay, vous venez de bien expliquer qu'est-ce qui explique justement la stabilité, la lévitation d'un aimant au-dessus d'un supraconducteur. Mais on peut maintenant parler justement des applications de la lévitation quantique. Le train qui lévite, ça c'est l'application peut-être la plus intéressante en supraconductivité du futur. Alors oui, c'en est une, parce que en fait, le fait d'avoir un train qui puisse léviter, donc en une position sécurisée, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la lévitation est stable, et donc il y a cette sécurité, et d'autre part le fait qu'il n'y a pas de friction au sol, donc on peut aller très vite. Et il existe comme ça des trains à lévitation supraconductrice avec des bobines supraconductrices au Japon. Notamment le maglev, qui atteint des vitesses de 500-600 km/h. Et donc, par exemple, il y a une ligne qui est prévue en 2025 pour relier Nagoya à Tokyo, qui a une distance de 350 km en moins d'une heure. Il y a un autre trajet aussi également qui est prévu entre Washington et New York pour 2030 aussi, avec justement les trains qui lévitent. Selon vous, les enjeux des recherches autour de la supraconductivité dans le futur, à quel endroit ça se situe ? Alors, puisque Pint of Science, c'est aussi de parler de l'actualité de la recherche. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on était capable de bien comprendre le mécanisme qui est à l'origine de cette nouvelle supraconductivité qui se passe dans ces matériaux qui sont à base d'oxyde et de cuivre, on pourrait peut-être mieux la contrôler et envisager de nouvelles pistes. Vous voyez, ça commence à bruisser un peu plus fort. C'est visuellement, c'est très beau. Il faut reconnaître qu'il y a du monde, en régie qui vient assister à cette expérience. Et donc voilà, envisager ensuite de nouvelles pistes pour essayer d'élaborer des supraconducteurs à température ambiante. Alors si on a évidemment des supraconducteurs à température ambiante, on pourra faire circuler du courant sans aucune perte d'énergie. Je pense notamment, quand vous produisez de l'électricité, que ce soit d'un barrage ou d'une centrale nucléaire, il faut le transporter jusqu'aux habitations, dans les villes. Et il y a une perte en ligne de 3%, je crois. Bon, à l'échelle, comme ça, ça paraît rien, mais à l'échelle d'une année sur toute la France, ça correspond déjà à la consommation d'une centrale nucléaire. Et puis on pourrait stocker. Pas une énorme centrale nucléaire, une petite centrale nucléaire. Puis on pourrait stocker aussi l'électricité, puisque une boucle de courant, donc s'il n'y a pas de perte d'énergie, on peut stocker le courant indéfiniment. C'est beaucoup utilisé aussi en imagerie médicale. notamment pour étudier le cerveau avec l'IRM, où on a besoin de créer des champs magnétiques très intenses. C'est l'une des premières applications d'un supraconducteur, c'est générer des champs magnétiques intenses, notamment pour l'imagerie médicale. Vous écoutez un peu Alain Sacuto, on a l'impression que la physique quantique, c'est pas compliqué, c'est explorer des mécanismes différents à petite échelle, des objets qui peuvent même être du quotidien. Oui. Oui. Eh bien, on va continuer à explorer ces objets du quotidien. On reviendra peut-être en fin d'émission pour voir comment avance cette expérience. Mais pour le moment, on va continuer ces objets du quotidien explorés par la science et pas des moindres. Le cerveau, comment prendre conscience d'une information visuelle? Quel est le chemin de la conscience? On en parle dans quelques instants. Gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya, portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda come senza schiuma, scuro chiara ma che sia una birra. Birra? Una birra, please. Yes sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini ed il termometro è impazzito, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya, portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda ancora senza schiuma, scuro chiara ma che sia una birra. Una birra? Una birra, please. Yes sir. Una birra? Una birra, please! Yes, sir! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini ed il termometro è impazzito, caldo, tanto caldo quanta sete, ya ya ya, portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda come senza schiuma, scuro chiara ma che sia una birra. Una birra? Una birra, please! Yes, sir! Enzo Giannacci et Giorgio Gaber, Bira, car nous parlons de Pint of Science, du Festival international de science autour d'une bière, d'un verre, n'importe. Avec Élodie Chabrol, la fondatrice et directrice de France de Pint of Science, avec Claire Sergent, professeur de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité, et avec Alain Sacuto, professeur à l'Université Paris-Cité, qui dirige l'équipe de recherche sur les matériaux à forte corrélation. Alors nous venons de voir pourquoi nous avons besoin de la physique quantique pour expliquer la supraconductivité et de comment permet-elle la lévitation quantique? Nous venons de voir d'ailleurs pendant la musique un aimant en gravité grâce à ces phénomènes que nous venons de décrire. Maintenant, on passe à un tout autre sujet avec vous, Claire Sergent. Demain, au bar Le 2.0, dans le 3e arrondissement à Paris, vous allez parler du traitement conscient et inconscient des informations. Tout d'abord, quelle est la définition que donnent les neurosciences à l'inconscient? Oula. C'est presque plus dur que la physique quantique. tout d'abord, conscient et inconscient, ce sont, comme souvent en science, des termes du langage courant qu'on va essayer de s'approprier en science pour en comprendre les frontières, les limites, etc. Et donc, il y a différentes manières de voir le conscient et l'inconscient. Il y a différents niveaux d'explication. Moi, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est de commencer à aborder cette question du point de vue de la perception. Lorsqu'on est éveillé, est-ce qu'il y a des traitements qui se produisent dans mon cerveau dont je n'ai pas conscience, c'est-à-dire, pour le définir scientifiquement et pouvoir l'aborder expérimentalement, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir rapporter, par exemple, rapporter à un expérimentateur. C'est comme ça qu'on fait rentrer, qu'on a commencé à faire rentrer les notions de conscient et d'inconscient dans les sciences expérimentales, en se disant, on va poser cette définition expérimentale, une information non consciente à l'éveil, c'est une information dont on sait qu'elle est rentrée dans le cerveau de la personne, mais dont la personne nous dit non, je n'ai pas vu ou non, je n'ai pas entendu, etc. Oui, c'est-à-dire que la conscience n'est pas sans arrêt sollicitée. Des fois, on ne prend pas conscience de ce qu'on fait, et heureusement, sinon, on serait complètement épuisé. Oui, et d'ailleurs, il est possible. C'est intéressant parce qu'on est en train de démarrer vraiment cette exploration d'un point de vue vraiment expérimental scientifique. Je dirais que ça fait une cinquantaine d'années. Mais on réalise que très certainement, là en ce moment, nos cerveaux sont en train de traiter une énorme quantité d'informations de manière non consciente et une petite partie seulement devient consciente. Bah, quand vous dites ça, forcément on dit inconscient, on pense à Freud. Bah, oui. Mais il y a un contentieux entre sciences cognitives et psychanalyse. Ah, vous y allez à pieds joints. Non, mais oui. Alors, il y a en tout cas des rapports. Ce ne sont pas les mêmes méthodes. En effet, donc Freud, c'était au départ un scientifique hein, qui voulait explorer la richesse de la psyché humaine d'un point de vue scientifique, mais qui en est venu au fil du temps à proposer une structuration de la psyché qui n'était pas basée sur une démonstration scientifique. Voilà. Et donc, je dirais qu'actuellement, c'est vrai, et particulièrement en France, ça chauffe un peu entre certains, pas tous, hein, certains tenants de la psychanalyse et les sciences cognitives, d'un point de vue épistémologique, en fait. C'est-à-dire, certains courants psychanalytiques ont voulu présenter leurs hypothèses de structuration du psyché, de la psyché, comme des vérités scientifiques, ce qu'elles n'étaient pas. Ceci dit, peut-être que certaines de leurs hypothèses sont intéressantes à tester scientifiquement. Mais en tout cas, il ne faut pas se tromper sur le statut des propositions qu'on met en avant. Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est partiellement vérifié, complètement vérifié, etc. Claire Sargent, du point de vue des neurosciences, comment investiguer l'existence de processus non conscients d'un point de vue expérimental? Alors, donc justement, comme je vous disais, d'un point de vue scientifique, en tout cas, les psychologues scientifiques se sont longtemps interdits, entre les années 30 et les années 50, se sont interdits de réfléchir au problème de la conscience en estimant que c'était un problème non scientifique puisque c'est subjectif. Le problème de la conscience, c'est aborder le problème de l'expérience privée, ce qui se passe en moi. Donc, logique, la science, c'est une méthode objective, c'est-à-dire que je peux mettre en face d'une autre personne que moi mes résultats et elle devra aboutir à la même conclusion. Et si la matière est subjective, on ne pourra pas faire de science. Et je pense qu'on a eu une évolution à la fois technique, bien sûr, comme le disait Alain, notamment grâce à des techniques supraconductrices, on a maintenant des appareils d'imagerie qui nous permettent d'enregistrer l'activité du cerveau, et aussi des évolutions méthodologiques dans lesquelles on a dit, ok, certes, la matière qui nous intéresse, elle est subjective, elle va correspondre à ce que nous dit la personne de ce qui se passe en elle, mais on peut l'analyser de manière objective. On peut la prendre comme une de nos données et l'analyser comme n'importe quelle autre donnée objective. Et donc concrètement, ça veut dire que je vais prendre une personne, je vais lui montrer, il y a différents types d'expériences qui me permettent pour la même stimulation externe de faire en sorte que de temps en temps vous la voyez, de temps en temps vous ne la voyez pas, de temps en temps vous l'entendez, de temps en temps vous ne l'entendez pas. Et aucun moyen pour moi de savoir ce qui se passe en vous, mais je vous demande. Là, est-ce que tu l'as vu? Là, est-ce que tu ne l'as pas vu? Et je trie les essais en fonction de ce que dit la personne subjectivement. Et je regarde si dans son cerveau, il se passe quelque chose de différent lorsqu'elle me répond qu'elle a vu ou pas vu. Et la réponse, c'est oui. il y a une différence énorme dans le traitement cérébral lorsque on perçoit consciemment ou pas la même information extérieure. Oui, c'est comme dans ces vidéos qui sont d'ailleurs postées sur notre fil Twitter à Science CQFD, ces vidéos de Christopher Chabry et Daniel Simmons où on voit le test d'attention sélective, c'est ça? Oui, alors ça c'est un exemple de type de protocole qu'on peut utiliser pour faire en sorte d'avoir par exemple un énorme stimulus qui va pas être traité de manière consciente. C'est ce qu'on appelle l'inattentional blindness ou la cécité d'inattention. On a l'impression de voir tout ce qu'on a sous les yeux, mais en fait, à chaque instant, notre attention ne sélectionne qu'une petite partie de l'information, mais bien sûr, de manière très informée. Et donc, on va sélectionner en général les parties intéressantes de l'information. Mais ça peut, dans certains cas, nous faire rater des choses énormes. Alors peut-être je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dans cette vidéo si les gens ne la connaissent pas, mais j'en ai plein dans ma besace des vidéos de inattentional blindness, donc de cécité d'inattention, où on voit que finalement, on ne voit consciemment qu'une petite partie de l'information à laquelle on fait attention. Voilà, et se rendre compte que ce n'est pas parce que le cerveau traite une information qu'on en est forcément conscient, ça a lancé les travaux sur l'inconscient cognitif. Oui, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ces personnes dans l'IRM ou dans une magnétoencéphalographie ou une électroencéphalographie et je leur ai montré un stimulus parfois assez fort et ils me disent qu'ils ne l'ont pas vu. Et là, bien sûr, je me précipite sur les données pour regarder ce qui se passe dans leur cerveau alors qu'ils me disent qu'ils n'ont rien vu. Et ce qu'on va découvrir, donc on est toujours dans le domaine de la perception, bien sûr, c'est que donc selon le type de protocole, on va voir que cette information, par exemple une information visuelle, va effectivement être traitée de manière parfois assez profonde par le cerveau. Par exemple, je vais montrer un mot que j'ai réussi à masquer, donc les personnes me disent qu'elles ne l'ont pas vu. Eh bien, je vais voir le trajet de ce mot dans le cerveau. Donc, ça prend un quart de seconde, mais ça va être d'abord le cortex visuel, et puis ça va passer dans les aires visuelles de plus haut niveau, etc., jusqu'à atteindre des zones qu'on appelle des zones temporales, donc dans le lobe temporal, qui reflète la détection du sens du mot, et donc l'activation du réseau sémantique, donc le réseau lié au sens de ce mot. Et ça, on peut le voir dans certains types de manipulations, alors que la personne dit qu'elle n'a pas vu ce mot. Alors, l'inconscient, comme vous l'avez dit, l'inconscient commence d'abord par la perception. On constate effectivement que les traitements sensoriels peuvent se produire de manière automatique, extrêmement rapide, sans que la personne dise « j'ai vu, j'ai entendu ». Et ce qu'on découvre aussi, c'est que ça peut avoir une influence sur notre comportement. Oui, alors on peut tester, bien sûr, ces stimuli dans des protocoles très contraints comme celui dont je vous parle, donc le masquage ou inattentional blindness, etc. Ou même le stimulus, on va le rendre non conscient. Et même dans ces cas-là, on va pouvoir démontrer que ce stimulus non conscient, par exemple ce mot, j'ai fait rentrer le mot « chapeau » dans votre cerveau et puis juste après je vous demande de lire un autre mot qui lui est conscient et soit je vous montre le mot tête, soit je vous montre le mot champignon, et bien vous allez être plus rapide à dire tête que champignon parce que vous avez, c'est ce qu'on appelle amorcé, vous avez été amorcé, en anglais on dit primé, mais donc, vous avez été amorcé par la première lecture du sens de ce mot qui a été pourtant caché. Mais au-delà de... donc là, je pense que c'est déjà une première démonstration très intéressante, expérimentale, que effectivement, le traitement totalement non conscient existe, même à l'éveil, et qui peut avoir une influence sur notre comportement. Après, ça reste très modeste, parce que cette différence de temps de réponse pour répondre tête ou champignon, ça ne va pas être révolutionnaire, ça va être quelques dizaines de millisecondes, quelques fractions de secondes. Si on élargit la définition de l'inconscient cognitif, on réalise que une énorme partie de notre cognition se déroule selon des schémas très efficaces, mais très automatiques, sur lesquels on n'a pas prise. Et ça, on peut le voir même lorsque le stimulus lui-même est conscient, mais certaines parties du traitement de ce stimulus, ou même la manière dont on va le traiter, va être totalement déterminée par ce traitement automatique. Voilà, c'est une des grandes théories de la conscience sur laquelle vous travaillez, hein, qui s'appelle l'espace global de travail conscient. On continue cette émission sur Pint of Science. Comment vulgariser la science et quelle est la méthode Pint of Science? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h44 sur France Culture avec Élodie Chabrol, Claire Sergent et Alain Sacouteau. Nous parlons des 10 ans du festival Pint of Science. Nous avons parlé des expériences ludiques d'Alain Sacouteau sur la lévitation quantique. Nous avons réinterrogé les notions de conscient et d'inconscient en neurosciences avec Claire Sergent. À présent, comment vulgariser les sciences? Parler devant un public non averti n'est pas forcément toujours simple. C'est la raison pour laquelle tous les scientifiques qui interviennent dans le cadre de ce festival reçoivent des conseils spécifiques pour préparer leurs interventions. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et pour le reportage du jour, vous êtes rendu dans l'une de ces soirées de préparation de Pint of Science. Ouais, et avant ça, je tiens quand même à saluer votre capacité d'attention et de concentration, parce que moi depuis tout à l'heure, je suis totalement hypnotisé par cet aimant qui est en train de léviter. Et de qui s'est blanchi par l'azote liquide. C'est magnifique. C'est hypnotisant, c'est vrai. Somptueux. Bon bref, je me suis rendu à votre invitation, Élodie Chabrol, dans un bar parisien il y a quelques semaines, et à cette occasion, vous présentiez le festival Pint of Science, et vous chauffiez vos troupes de hardis vulgarisateurs en leur prodiguant quelques précieux conseils pour que leur pour que leur présentation soit aussi adaptée que possible au public, pas toujours scientifique, qui viendra assister aux soirées du festival. Dans ce cadre, j'ai pu discuter avec Anaïs, doctorante en biologie, et Guillaume, chercheur à l'Institut Jacques Monod à Paris. Tous les deux nous expliquent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de se lancer dans le grand bain de Pint of Science et nous disent ce qu'ils attendent de ces soirées d'échange autour des sciences. Pour approcher, on va tous un peu discuter, tous un peu discuter de toute façon. Donc bienvenue, merci d'être là ce soir. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour que vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous faites, du coup à Pint of Science. Donc vous pouvez nous dire pour les intervenants quel soir vous parlez, votre sujet, et puis bah, tout le monde peut-être donner son prénom, et puis pour les organisateurs, juste le prénom et puis l'organisation, peut-être l'équipe. Eh bien moi je suis Guillaume, je suis chercheur à l'Institut Jacques Monod à Paris. Et je travaille sur l'évolution des animaux. Moi, c'est Anaïs. Je suis doctorante. Donc, ça veut dire que je suis en train de faire une thèse en biologie. Et je m'intéresse sur comment est-ce que les cellules font pour se diviser, pas en se concentrant sur l'importance de l'ADN, mais en se concentrant sur l'importance de ce qui entoure les cellules pour qu'elles puissent bien se diviser. Ce soir, on a fait une soirée coaching, une sorte de veillée d'armes un petit peu avant votre présentation dans le cadre du festival Pint of Science. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce festival-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer en tant qu'intervenant? Alors moi, ça fait plusieurs années que je regarde la vulgarisation scientifique, majoritairement sur YouTube, et ça m'a toujours donné super envie d'essayer. Et cette année, j'ai rencontré justement une des personnes qui organise le festival, je me suis dit, je vais essayer, ça a l'air trop bien. Voilà. Oui, j'ai été recruté par une collègue de labo, qui faisait ça depuis déjà plusieurs années, qui m'a, bien branché sur, en me disant que ça peut être quelque chose effectivement de très très agréable et assez nouveau, je pense. Ça reste malgré tout assez nouveau parce que en France, la vulgarisation, ça se fait quand même dans des cadres bien précis. Et là, je trouve que ce cadre un petit peu déstructuré, ça peut donner des choses assez, assez intéressantes. Justement, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée, de cette présentation d'Élodie Chabrol et de ces conseils qu'elle vous a donnés? Parce que c'est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de faire dans le cadre de présentations à des collègues, dans le cadre de congrès, de spécialistes. Qu'est-ce qui vous paraît être le plus grand défi pour aller vers un public de non-sachants, on va dire? C'est sans doute arriver à ce que la soirée soit interactive, c'est-à-dire que les gens soient pas timides et commencent à poser des questions. Donc il faut induire ça d'une façon ou d'une autre. peut-être placer une petite pointe d'humour et puis peut-être aussi poser des questions au public pour tester un petit peu les connaissances et voir un petit peu à qui on a affaire et qu'est-ce qui les a amenés à venir dans un bar pour entendre parler de science. Et pour vous, Anaïs, qui êtes doctorante et qui démarrez votre carrière de chercheuse, qu'est-ce que vous retenez de cette présentation-là et de cette mission qui sera la vôtre dans le cadre du festival ? Je pense que je retiens deux choses. La première, c'est que même si je suis jeune, je travaille dans la science, donc je suis tout autant légitime à essayer de transmettre ma passion. Et justement, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui me... essayer de montrer au public qui vient assister à ce type de soirée, qu'est-ce qui me passionne vraiment dans la science. Et du coup, j'ai orienté ma présentation sur un sujet qui m'a fascinée quand j'étais en master, et justement le sujet sur lequel je suis en train de faire ma thèse. Donc tout ce que j'espère, c'est réussir à transmettre aux gens qui viennent voir ma présentation qu'est-ce que j'aime à ce point dans la science, qu'est-ce qui m'intéresse à ce point dans la division, et à ce qu'ils repartent en ayant compris en fait... ce qui fait que tous les matins, je me lève pour aller travailler. Moi, ce que je retiens en tant que spectateur et extérieur, et par ailleurs, parce que je travaille pour une émission de science, c'est cet accent qu'a mis Élodie sur le fait de partager sa passion et ses émerveillements, et parfois sa sensibilité aussi en tant que chercheur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous estimez avoir le devoir de faire passer aussi à travers le festival, mais aussi à travers vos travaux et vos prises de parole ? La science, peu importe de la manière dont on l'exerce, c'est toujours un métier de passion. Quand on veut être scientifique, on ne va pas faire ça parce qu'on veut gagner de l'argent. On fait ça la plupart du temps parce qu'on veut comprendre comment le monde fonctionne. On veut comprendre qu'est-ce qui fait que tel processus se passe d'une façon et pas d'une autre. Et je pense que c'est très important de réussir à transmettre cette passion aux gens, mais également de faire comprendre au public pourquoi est-ce que ces questions sont importantes pour nous, même si pour eux, ce n'est pas forcément le focus majeur dans leur vie. Et voilà, moi, c'est la raison principale qui m'a poussée à faire cet événement. Et Guillaume, pour vous, cette notion de passion et d'émerveillement, est-ce que c'est quelque chose qui doit être placé au centre aussi de ce genre d'intervention un petit peu différente des autres ? Oui, je crois qu'il faut ramener les gens, finalement, à la curiosité ou au questionnement qu'ils avaient en étant enfants. Parce que finalement, les scientifiques, en gros, ce sont des grands enfants. C'est des gens qui n'ont pas cessé de se poser des questions. Donc c'est un peu à ça qu'il faut essayer d'amener le public et de s'amener soi-même. Parce que pour moi, clairement, l'enfance, elle est assez éloignée. Et donc c'est un petit peu un retour aux sources que je vais essayer d'effectuer. Pour moi, ça sera la première fois à Pint of Science et j'espère que ça fonctionnera de cette façon-là. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Alain Sacuto, pour réagir, les scientifiques sont de grands enfants. En tout cas, ils s'émerveillent en regardant la nature. Et moi, c'est ça, c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est regarder les phénomènes naturels, essayer de les comprendre. Là, on arrive à la toute fin de cette émission, en fait, donc les 10 ans de Pint of Science. Élodie Chabrol, on peut dire qu'en 10 ans, la vulgarisation des sciences n'était pas aussi développée que ça. Oui, tout à fait. Il y a vraiment eu une espèce de boom depuis 10 ans. Bah, d'ailleurs, ma thèse en 180 secondes est née la même année que Pint of Science France. Il y a vraiment eu un boom, à la fois maintenant les financements demandent de faire de la communication. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était très nécessaire. Donc c'est bien, on en profite nous, parce que c'est vrai qu'au début, les gens qui participaient, c'était vraiment des gens qui faisaient ça en plus, qui n'avaient pas forcément, de motivation vraiment professionnelle, ou alors qui le prenaient en plus comme charge. Et maintenant, c'est vrai que comme en plus, on peut faire valoir ça dans les dossiers, etc., et dans les financements, bah, ça permet de pouvoir en profiter encore plus. Claire Sergent. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, oui. Ouais. Que la participation à la vulgarisation scientifique, ce soit une des rubriques qu'on doive remplir lorsqu'on fait des dossiers pour avoir de l'avancement, etc., etc. Et c'est vrai qu'effectivement, avant cela, on faisait ça en plus de ce qui allait constituer notre travail, le cœur de notre travail. Et je trouve que c'est vraiment une bonne direction. Oui. Et pour conclure, l'ARN, l'Agence française de financement de la recherche sur projet, demande depuis le 2021 qu'un 1% du budget des projets scientifiques soit dans la communication. Oui. Élodie Chabrol, on peut dire que le monde de la communication scientifique est en plein chantier et qu'il manque encore des supports. Oui, je pense, mais c'est en train, justement, je suis très bisounours là-dessus, je me dis que c'est en train de se construire, qu'effectivement, il y a plein de choses qui apparaissent, et bon, alors tout apparaît un peu en même temps, pas forcément bien agencé, bien structuré, mais je pense que dans quelques années, ça sera vraiment bien. Alors, quelques années, 10 ans peut-être, mais oui, c'est en plein boom. En plein chantier. Merci en tout cas à vous trois de nous avoir donné encore plus envie de siroter des sciences. Je rappelle que Pint of Science commence aujourd'hui et dans toute la France jusqu'au 24 mai. Il est temps, à présent, de retrouver un autre vulgarisateur scientifique, c'est Étienne Klein et sa chronique, Le pourquoi du comment. Comment ressentir la force du vide? La physique quantique est à mains égards la théorie la plus folle de la physique. Très éloignée des conceptions ordinaires du réel, elle se formule en des lois qui défient l'imagination la plus débridée. Elle choque également le sens des mots, en donnant à voir que le vide est tout le contraire d'un espace vide. Elle en fait un espace habité, impossible à vider totalement, empli de ce qu'on pourrait appeler de la matière fatiguée, elle-même constituée de particules et d'antiparticules, bel et bien présentes, mais dont l'existence n'est que potentielle. Elles évoluent telles des fantômes, agitées certes, mais qui ne possèdent pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser et devenir directement observables. Ces particules et ces antiparticules dites virtuelles s'ébrouent végétativement dans une ontologie molassonne. Cela n'empêche toutefois pas que de curieux phénomènes, concrets et tout à fait mesurables, puissent s'y produire. Car le vide quantique non seulement n'est pas vide, mais se trouve doté d'une puissance capable d'agir sur les objets qui s'y trouvent. Le plus spectaculaire de ces effets s'appelle l'effet Casimir, qui donne à voir la force du vide quantique. Il fut prédit en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir, qui travailla à l'aide avec Paul Ehrenfest, puis à Zurich avec Wolfgang Pauli. L'effet Casimir consiste en ce que deux miroirs parallèles, placés dans le vide quantique, s'attirent. Certes, très faiblement, mais ça tire tout de même. Ce phénomène a été observé expérimentalement pour la première fois en 1958 et fermement confirmé 4 décennies plus tard. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une attraction entre deux objets massifs, on pourrait penser que c'est la gravitation qui en est responsable. Mais un calcul d'ordre de grandeur montre que son rôle est négligeable dans le phénomène observé. Alors, d'où cet effet provient-il? De ce que les miroirs, par leur seule présence, perturbe les ondes électromagnétiques de toutes les longueurs d'onde possibles, des plus petites aux plus grandes, qui circulent dans le vide quantique. Ces différentes ondes constituent un champ électromagnétique global dont l'énergie peut être calculée grâce aux lois quantiques. On constate alors, avec un grand étonnement, que l'énergie la plus petite que peut avoir ce champ n'est pas nulle. Aussi parle-t-on d'une énergie du vide. Elle résulte des fluctuations spontanées du champ électromagnétique qui sont l'équivalent des clapotis qu'on observe à la surface d'un étang. La valeur de ce champ est en moyenne nulle, dans l'état d'énergie minimale qu'est le vide, mais elle fluctue constamment et aléatoirement autour de zéro en étant tantôt négative, tantôt positive. Ces fluctuations parcourent tout l'espace et donnent lieu à cette énergie du point zéro, comme on l'appelle aussi. Si l'on dispose dans le vide les deux miroirs envisagés par Casimir, ils modifient les fluctuations du champ électromagnétique. En effet, en vertu d'une loi canonique de la physique, la valeur du champ électrique doit être strictement nulle au niveau de leur surface, car elles sont parfaitement conductrices de l'électricité. Cette contrainte sur les fluctuations du champ impose à son tour qu'il ne puisse exister entre les plaques que des ondes pour lesquelles la distance entre les deux miroirs représente un multiple entier de longueur d'onde. Conséquence, certaines ondes, interdites d'existence par cette condition limite, manquent entre les deux miroirs, de sorte qu'il y a moins de pression sur la face des miroirs qui sont en vis-à-vis que sur la face des miroirs extérieurs. Il en résulte une force globale qui tend à les rapprocher l'un de l'autre. Voilà, j'ai essayé d'être clair, mais il ne m'est pas clair que je l'ai été. Vous me direz si j'ai ou non parlé dans le vide. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être avec nous. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim à la réalisation Olivier Bétard et merci à Michael Simon à la technique aujourd'hui. Cette émission se podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.